rappeurs dans nos pages, on s'écarte pas. On prend nos plaques, reste à l'écoute, t'es pris en otage. Plein le chargeur, lyrics braqué sur vous, on tire sur tout ce qui bouge. Rime en guise de cartouche, tout le monde se couche, très carré rouge. Dans l'inter, sont gardés nos repères pour une connexion repère. Et on rap, on change pas. Ni la manière dont on opère. J'pourrais même me faire embarquer. Retrouver à la barre ou finir au parquet. J'plaide coupable que mon art est fait pour traquer. Laisse planer la menace. Que l'inter refait surface. Soli quartier chousse par un crime de sang qui va laisser des traces. Loin de changer le mobile du crime ou bien mon place. Loin de changer ma vision. Rap, inter restera notre passe. Sous leur dire stand. Qu'on rappe pas toujours pour les mêmes cas et qu'on n'est pas prêt de changer la tonne. Souviens pas l'époque où ça rappait non-stop pour les blocs. J'milite pour les gars de mon coin, les gars qui ont besoin. Voir large à travers mes pages, tu reconnais la rage. 100% dans l'under d'après les stats. Le buzz monte et c'est en Inde et qu'on creuse. Le buzz monte malgré cette vie foireuse. On garde la même vision, le sommet, la pression. Souviens-toi à l'époque où personne tournait le veston. Vite bordélique là où on visait le prix à payer. J'pourrais me faire embarquer, toujours sans écarter. Vite bordélique du shoot star à Soli quartier. Les gars pensent qu'à braquer, l'under est fait pour marquer. On danse le brassard et blasonne pour ceux au placard. Les couches d'art maçonnent et ceux qui prônent pour le trône. C'est pour les mêmes gars que j'ai toujours rappé. On monte notre buzz en restant toujours vrai. Je pourrais même me faire embarquer. C'est pour les mêmes gars que j'ai toujours rappé. Lève auto capté, éjecté le message. Rap under dans mes pages, prends des plaques sans écarter. On arrive ensemble, pensant dérivé dans le sang, discret carré. On a ça dans le sang, cousin. Lève auto capté, éjecté le message. Rap under dans mes pages, prends des plaques sans écarter. On va pas toujours vivre de sèche, suivre les flèches. Un minimum d'acquis et de pêche. Y'a pas que la gloire, le fric revêt les filles sexy. Dis merci à ceux qui sont dans l'ombre quand tu persistes. J'viens avec la rage, j'suis discret, tu commets crime, qu'on me laisse vivre. J'roule un petit, toujours le même style. Renouvelle mon pacte, la rue connaît mon action. À chaque mot vrai, j'suis pas acteur. Même si le rap est devenu le fils du facteur. Ou le cadre, j'connais pas ou l'avocat. Toujours du shoot star, mon staff dans la vie. Même si j'parle pas de fric par montagne, mec, c'est tout ce qui me berce, c'est tout ce qui me reste. J'exécute tout ce qui me blesse pendant que la réussite nous charme. Arrivé entier avec mes frères d'armes. J'pèse car la belle vie même pas. J'suis sur le terrain même tard, cherche pas. Le rap under coule dans mes veines depuis enfoiré. Faut que tu saches que le message c'est l'under qui est dans nos pages. Que dessus s'exprime la rage. On a ça dans le sang. C'est pour les mêmes gars qui craignent dans les mêmes coins. Pour qui quand j'rappe se reconnaissent en levant tous le poing. Pour ceux qui font leur propre métier et n'oublient personne. Pour ceux qui tapent dans l'ombre en attendant que la cloche sonne. Pour ceux qui aiment bien ça, font tout pour donner le score. Pour ceux qui vivent ça, c'est ton enfant contre toi tu te poses. L'under c'est quelque chose dans le rap qui fait de toi un homme. L'under c'est quelque chose qui tourne un point énorme. Je t'explique, je fais mes plaques tout en restant dans les normes. C'est pour mes gars de l'homme qui disent vas-y fournis la bombe. C'est avec mes gars là que l'under se perd pas. Ne perds pas le fil si tu es dans ce biz là. Tâche comprendre ce qu'on dit, tâche comprendre ce qu'on veut. C'est laisser nos traces auprès des jeunes dangereux. Je pourrais même me faire embarquer. C'est pour les mêmes gars que j'ai toujours rappé. Lève auto capté, éjecté le message. Rap under dans mes pages, prends des plaques sans écarter. On arrive ensemble, pensant dérivé dans le sang, discret carré. On a ça dans le sang, cousin. Lève auto capté, éjecté le message. Rap under dans mes pages, prends des plaques sans écarter. Je pourrais même me faire embarquer. C'est pour les mêmes gars que j'ai toujours rappé. Lève auto capté, éjecté le message. Rap under dans mes pages, prends des plaques sans écarter. On arrive ensemble, pensant dérivé dans le sang, discret carré. On a ça dans le sang, cousin. Lève auto capté, éjecté le message. Rap under dans mes pages, prends des plaques sans écarter. Discret, carré rouge, shoot star, artisanal record, SO, Marseille.